Marie Claire. On va que t'as bon me suivi, c'est ça qui fait que moi pas j'en content. Moi gagne un petit ménage, ligue les Marie Claire. Moi va que t'as bon me suivi, c'est ça qui fait que moi pas j'en content. Ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Monsieur Fat la Wessa, ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Maman, j'en viens grand monde, qui gagne mauvais manière. Moi, pas faire confiance, qui retourne, c'est la mer. Quand mon remet tu tabac, quand mon remet tu café. Quand mon rêve est mon pédale, m'a chargé pour la planète. Marie Clagéry, je vais maman satisfaction. Oh, j'en connais maman, rêve. La chef est qu'un contagieux. Aïe, Marie, tout la Marie. Je vais maman satisfaction. Marie, tout la Marie. La chef est qu'un contagieux. Marie, tout la Marie. Je vais maman satisfaction. Si la foule dans le côté de mon homme, regardez. Qui parle, ça? Vous avez des petits pas chers, vous dites. En plus, il manque deux petits dans le vent. Regardez, grand monde. Regardez, non? Grand monde, on connaît chaque jacques douleur. Rien ou pas bon. Moi, je vais un petit bolé au bout. Un petit bagaille douce qui peut permettre de vaciller tes cadavres. Vous comprenez moins. Absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite. Hey, Gamon. Ah, regardez non, combat gars qui va jouer là. Regardez non, c'est mettre comme sur côté, vous entendez? pas jeune gens avec jeune fille pour embaucher parce que rite ça me pas croque à Kimbil malé. Son autre bagaille seulement au moins des saucisses. Parce que l'ajout quitte l'almanac longtemps. C'est pas tout pour des patils pour prendre mon jeune garçon. Parce que le pas pour vous. Attends, regardez, dis jeune homme, non. Regardez, mettre bouche dans les oreilles, dit grand monde, non. Dans des salles, dit l'étendez. Chérie, alors c'est jalousie, ça fait rire. Chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompon qui a été usé votre jardin? Tant de questions pour qu'il puisse arriver, posons grand monde. On va dire ça.